Il vint à parler des contrées lointaines et de grands voyages. L'idée d'en faire la charmait. Elle n'aurait eu peur de rien, ni des tempêtes, ni des lions. Assis, l'un près de l'autre, ils ramassaient devant eux des poignées de sable, puis les faisaient couler de leurs mains tout en causant. Et le vent chaud, qui arrivait des plaines, leur apportait par bouffées des senteurs de lavande, avec le parfum du goudron s'échappant d'une barque derrière l'écluse. Le soleil frappait la cascade. Les blocs verdâtres du petit mur, où l'eau coulait, apparaissaient comme sous une gaze d'argent se déroulant toujours. Une longue barre d'écume rejaillissait aux pieds, en cadence. Cela formait ensuite des bouillonnements, des tourbillons, mille courants opposés, et qui finissaient par se confondre à une seule nappe limpide. Louise murmura qu'elle enviait l'existence des poissons. Ça doit être si doux de se rouler là-dedans, à son aise, de se sentir caressée partout. Et elle frémissait avec des mouvements d'une câlinerie sensuelle. Mais une voix cria « Où es-tu? »« Votre bonne vous appelle, » dit Frédéric. « Bien, bien !» Louise ne se dérangeait pas. « Elle va se fâcher, » reprit-il. « Cela m'est égal. Et d'ailleurs, » Mademoiselle Roque, faisant comprendre par un geste qu'elle la tenait à sa discrétion. Elle se leva pourtant, puis se plaignit du mal de tête, et comme il passait devant un vaste hangar qui contenait des bourrées, « Si nous mettions dessous, allez go !» Il feignit de ne pas comprendre son mot de patois, et même la taquina sur son accent. Peu à peu, les coins de sa bouche se pincèrent, elle mordait ses lèvres. Elle s'écarta pour bouder. Frédéric la rejoignit, jura qu'il n'avait pas voulu lui faire de mal et qu'il l'aimait beaucoup. « Est-ce vrai ? » s'écria-t-elle, en le regardant avec un sourire qui éclairait tout son visage, un peu semé de taches de sang. Il ne résista pas à cette bravoure de sentiment, à la fraîcheur de sa jeunesse, et il reprit. « Pourquoi te mentirais-je ? Tu en doutes, hein ?» en lui passant le bras gauche autour de la taille. Un cri, suave comme un roucoulement, jaillit de sa gorge. Sa tête se renversa, elle défaillit. Il la soutint. Et les scrupules de sa probité furent inutiles. Devant cette vierge qui s'offrait, une peur l'avait saisie. Il aida ensuite à faire quelques pas, doucement. Ses caresses de langage avaient cessé, et ne voulant plus dire que des choses insignifiantes, il lui parlait des personnes de la société nogentaise. Tout à coup, elle le repoussa, et, d'un ton amer, « Tu n'aurais pas le courage de m'emmener.